pleure, tu pars baiser les morts vivants. Vous en êtes quand de l'hiver, et puis tout le vent qui mange de la mer. Vous en êtes, roi des dicatons, tu bois de l'éther, et fais du propane. Vous en êtes, la queue par terre, tu pars baiser les morts vivants. La queue par terre, tu pars baiser les morts vivants. Bouffe en terre, corps de père, et vite au vent, tu manges de la merde. Bouffe en terre, roi des décadents, tu bois de l'éther et fais du propane. Bouffe.